Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons ouvrir l'émission sur un sujet régulièrement abordé dans les médias ou dans la société en général, mais rarement avec un regard scientifique. Il s'agit de l'homosexualité. C'est un fait de l'Antiquité à aujourd'hui et dans de multiples contextes culturels, l'homosexualité existe comme une constante de l'espèce humaine. Or, à première vue, l'homosexualité est difficilement conciliable avec la théorie de l'évolution et la sélection naturelle. Alors comment un comportement qui va à l'encontre de la reproduction peut-il se maintenir au fil des générations? Eh bien, pour élucider ce paradoxe, rien de tel que d'en parler avec un spécialiste de l'évolution et des comportements animaux, comme Cyril Barrette, professeur émérite en biologie à l'Université Laval. Bonjour Cyril. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Donc c'est une question un peu... Délicate à aborder aujourd'hui. Et en fait, peut-être qu'une première façon de l'aborder, donc de comprendre l'homosexualité dans les sociétés humaines, c'est peut-être de regarder ce qui se passe dans les sociétés animales. Donc, est-ce qu'on observe en fait chez les animaux des comportements homosexuels? Oui, mais il faut nuancer de plusieurs façons. D'abord, on observe chez un grand nombre d'espèces des comportements homosexuels, mâle-mâle ou femelle-femelle, mais on ne connaît aucune espèce où on observe de l'homosexualité exclusive. C'est-à-dire que les individus qui manifestent des comportements homosexuels, à la première occasion ou à chaque fois qu'ils ont l'occasion, vont se reproduire. Mm-hmm. Donc, ils redeviennent, si vous voulez, hétérosexuels. Donc, il y a seulement chez l'humain qu'on observe l'homosexualité exclusive qui mène à aucune reproduction. D'accord. Bah, peut-être qu'avant de parler de ce qui se passe chez l'humain, on pourrait regarder comment que ça se passe. Dans quelles circonstances se produisent ces comportements homosexuels chez les animaux? Mais d'abord, souvent, la plupart des observations ont été faites en captivité, dans des conditions où les animaux sont contraints, on les empêche, si on veut, d'exprimer leur répertoire naturel de comportement. Ça, c'est une des circonstances importantes où, très souvent, vous savez, dans le langage, puisque l'humain utilise le langage, on est capable d'exprimer un très grand nombre de choses. Mm-hmm. Mais chez les animaux, la communication se fait par un répertoire de comportement qui est souvent très limité, dans la plupart des cas très limité. Quelques vocalisations, quelques gestes, des démonstrations visuelles, etc. Et on voit très souvent que l'animal utilise des comportements du domaine sexuel dans un domaine tout à fait différent, dans domaine de la dominance. Ah. Donc, on voit par exemple un mâle qui montre un autre mâle. C'est un des cas classiques, c'est chez les mouflons de l'Ouest d'Amérique du Nord. Un mâle qui montre un mâle, c'est une manifestation de dominance. Le dominant traite l'autre de subordonné en le traitant comme une femelle et le subordonné accepte cette approche. Mm-hmm. Ça fait partie de son répertoire de subordonné. Donc, les gestes, à première vue, ce sont des gestes sexuels, mais dont la fonction est agressive, une fonction de dominance, subordination. Donc là, dans ce cas-là, en fait, celui qui est dominé, c'est un mâle qui n'a pas accès aux femelles ou qui est dominé, qui n'a pas la place, le statut de mâle dominant dans la harde? Voilà, c'est ça. Donc, comme il n'a pas accès aux femelles, il reste quand même autour des femelles. Si le mâle défend un groupe, par exemple, pas nécessairement un harem, mais un groupe de femelles, le mâle subordonné reste dans les parages et essaie d'avoir accès aux femelles et le mâle dominant l'en empêche. Il peut l'en empêcher d'une façon agressive dans un combat, et on le voit relativement souvent, où, pour éviter le combat, il le traite en subordonné pour rétablir l'ordre des choses, si on veut. Et si le subordonné n'accepte pas l'approche sexuelle du mâle, là, ça mène à un combat. Mm-hmm. Donc, c'est une façon d'affirmer la dominance avec des gestes qui sont hors contexte, si on veut. On utilise le répertoire sexuel dans le contexte de la dominance. Donc, ça s'appelle un comportement homosexuel dans l'allure ou visuellement, mais on ne pense pas que la motivation soit sexuelle du tout. Mm-hmm. Et il y a d'autres cas aussi avec les lions ou avec les éléphants de mer, où là, c'est aussi dans des meutes ou des hardes, je ne sais pas comment on les appelle, mais ce n'est pas entre dominants et dominés, mais entre plusieurs jeunes mâles. Oui, c'est sûr que chez les jeunes, les juvéniles et les adolescents, si on veut l'équivalent, les sous-adultes, adultes, il y a une question d'apprentissage des comportements normaux. C'est comme un jeu, si on veut, comme les individus ont des combats ludiques et puis toutes sortes de comportements qui sont comme une préparation au comportement des adultes. Alors, on pense que ça explique une proportion importante des comportements homosexuels entre les individus juvéniles. Mm-hmm. Mais ces individus, encore une fois, en atteignant l'âge adulte, vont tout faire pour se reproduire. C'est ça, exactement. Donc là, on parle de comportements mâle-mâle, mais vous avez mentionné aussi qu'il y avait des comportements homosexuels femelle-femelle chez les animaux, donc, par exemple. Ça existe, c'est plus rare. Le cas classique, c'est les bonobos. L'espèce cousine des chimpanzés, où, en fait, tous les conflits sociaux sont réglés par la sexualité par rapport à l'autre chimpanzé, où tout se règle par des comportements agressifs, par la dominance-subordination. Ici, chez les bonobos, que ce soit entre deux mâles, entre deux femelles, ou entre un mâle et une femelle, ou entre un adulte et un jeune, ou deux jeunes, il y a, pour des raisons qu'on comprend pas très bien, les individus s'expriment par des comportements sexuels, donc y compris entre deux femelles. Mm-hmm. Y compris entre deux femelles adultes. Mais encore une fois, dans tous les cas, tous ces individus vont se reproduire éventuellement. Mm-hmm. Oui, puis c'est peut-être là aussi l'utilisation d'un comportement sexuel, mais pas dans le cas d'une activité sexuelle, mais plus d'une relation de groupe ou une utilisation détournée. C'est ça, pour maintenir la cohésion du groupe, pour maintenir l'harmonie dans le groupe, pour établir des amitiés, si on veut, entre guillemets, pour recruter l'aide éventuelle d'un congénère dans une autre situation plus tard, quand il sera question de compétition pour la nourriture ou pour un lieu de repos ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Donc, c'est comme si l'expression d'un très grand nombre d'attitudes ou de comportements ou de besoins passe par la sexualité chez le bonobo. Mm-hmm. Il y a aussi, dans le cas des comportements homosexuels femelles, le cas des macaques aussi au Japon. Oui, on voit ça chez les macaques, on voit ça régulièrement chez des singes, des primates, et dans ce cas-ci, en nature. Mm-hmm. Mais encore une fois, dans la plupart des cas, il s'agit de juvéniles. Ah, d'accord. Donc là, on parle de ce qui se passe chez des mammifères, mais il n'y a pas que chez les mammifères que ça se produit. Non, on voit des comportements homosexuels du même genre, particulièrement chez plusieurs espèces d'oiseaux. Mm-hmm. Donc, presque toutes les observations sont chez les mammifères et les oiseaux. Mais chez les oiseaux, est-ce que c'est aussi parce que les oiseaux vivent, peut-être qu'ils vivent aussi en société parfois, mais est-ce que c'est aussi pour des conditions de maintien de la cohésion sociale ou? Je connais moins le cas des oiseaux et puis, justement, chez les oiseaux, il y a moins d'organisation sociale. Mm-hmm. Relativement strict et bien structuré. Ça, il n'y a pas un mâle dominant? Il arrive qu'il y ait un mâle qui défend un territoire, un lec, comme on l'appelle, qui défend une certaine arène où se retrouvent d'autres mâles autour de lui qui défendent un petit territoire où les femelles circulent. Mais c'est très différent de l'organisation sociale des mammifères qui est beaucoup plus proche de nos vies à nous. Parce qu'il y a des oiseaux mâles qui forment des couples? Il y a des oiseaux mâles à l'occasion qui forment des couples, mais chez les manchots, par exemple, ou chez les albatros. Mais c'est très souvent chez des espèces qui sont très fortement monogames, donc un mâle avec une femelle, parfois pour la durée de toute leur vie de reproduction. Et les cas qu'on observe assez régulièrement, c'est si un des deux pères sont ou sa partenaire, ben il peut s'associer avec un autre individu du même sexe pour élever une couvée, par exemple, ou prendre soin des poussins d'une couvée. Et là, on arrive mal à expliquer ces cas. Est-ce qu'il s'agit d'un comportement naturel normal qui est exprimé hors contexte pour des raisons d'absence de partenaire disponible? Donc, deux individus s'associent. Alors, évidemment, c'est deux individus du même sexe, donc ça ressemble à de l'homosexualité, mais voilà, c'est des cas particuliers. Mais c'est un cas intéressant parce que, cependant, dans ce cas-là, ça permet à l'œuf, au petit, d'éclore, donc ça contribue à la reproduction de l'espèce? Oui, mais la survie de l'espèce ou le bien de l'espèce n'est pas une bonne explication de quoi que ce soit en biologie. Mm-hmm. Mais ce qui est certain, ce qui est troublant dans un cas comme celui-là, c'est que vous avez un des deux partenaires qui aide à élever un individu qui ne porte pas ses gènes, qui ne porte pas de copie de ses gènes. Donc, en termes de sélection naturelle, c'est très difficile à expliquer. Oui, c'est vrai. Sauf si cet individu a pas d'autre option dans la saison de reproduction courante. S'il a, disons, comme on disait dans le passé, un instinct de soin des jeunes, de reproduction, il n'a pas l'occasion de le faire parce qu'il a perdu son ou sa partenaire. Donc là, il exprime le comportement en présence d'un individu du même sexe. C'est comme s'il exprimait un comportement, mais hors contexte. Et puis, il y a aussi un cas dont il faut qu'on parle, c'est le cas du bélier. Ouais. Donc, il y aurait un cas qui serait un cas d'homosexuel exclusif, mais dans une circonstance particulière encore. Oui, ben ça, voilà. Ça, c'est un cas qu'on voit relativement souvent sur Internet, dont on parle dans la littérature, mais c'est un individu. C'est une ou quelques individus. C'est un animal domestique, mm-hmm. donc qui a été modifié depuis des centaines de générations par l'humain, et dans des conditions de captivité. Donc, c'est une anecdote qui est pas vraiment troublante, parce que comme c'est un cas unique parmi toutes les autres espèces qu'on connaît, ben on se dit on a tendance à favoriser l'hypothèse qu'il s'agit d'un cas plus pathologique que normal. Mais c'est un cas parmi des milliers et des milliers d'espèces où on n'observe rien du genre, En nature ni en captivité. Oui, c'est ça, c'est vraiment finalement comme il est en captivité, il est en quelque sorte plus vraiment soumis à la sélection naturelle. Non, sûrement pas soumis à la sélection. Il est domestiqué, là. Oui, et puis il est empêché d'exprimer son répertoire normal. C'est ça, exactement. Donc, et ça peut être. Bon, donc, l'hypothèse la plus plausible, c'est que c'est un cas, une anecdote, un cas unique, puis probablement pathologique. Et alors, et l'homme dans tout ça? comme toujours, l'humain est un cas très complexe et plus délicat. Donc, chez l'humain, évidemment, si on pose la question comment la sélection naturelle peut faire pour maintenir l'homosexualité chez l'humain alors que ça nuit à la reproduction, ça sous-entend qu'il y a des gènes qui contrôlent l'homosexualité. Et ça, c'est pas du tout certain. Vous savez, souvent dans la littérature, on prétend qu'on recherche ou on a trouvé le gène de l'homosexualité, mais ça n'existe pas, ça. L'homosexualité est un trait psychosocial tellement complexe que c'est sûr que c'est pas contrôlé d'une façon causale très stricte par un gène ou même par un petit nombre de gènes. Donc, l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'il s'agit de plusieurs gènes, chacun ayant un effet relativement restreint. Et l'effet de ces gènes n'est pas de causer l'homosexualité, mais de prédisposer à l'homosexualité. Et comme toujours, ces gènes s'expriment dans un environnement physique et un environnement social. Donc, les gènes peuvent, selon l'environnement physique ou social, s'exprimer ou pas. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe. Donc, il y a peut-être une base génétique. On n'a jamais déterminé des gènes qui prédisposeraient fortement à l'homosexualité chez l'humain. Et je pense qu'on n'en trouvera pas. On va trouver encore une fois un ensemble de gènes. C'est comme d'autres caractères, comme on cherchera pas un gène pour expliquer l'optimisme ou pour expliquer l'alcoolisme ou pour expliquer l'agressivité. On sait que c'est un ensemble de gènes qui s'exprime dans un environnement physiologique ou physique particulier et dans un environnement social. Et en plus, chez l'humain, il y a un quatrième facteur qui intervient qui est très important, c'est que chaque personne se construit à partir de matériaux, et ces matériaux, ce sont les gènes, l'environnement physique et l'environnement social. Donc, on peut très bien avoir des gènes qui prédisposent, mais qui s'expriment pas. C'est ça. Puis on le voit, une des évidences des preuves les plus probantes à ce sujet, c'est l'étude des jumeaux identiques. Les jumeaux identiques ont le même génome, et on voit très bien que si, dans les études de jumeaux identiques, évidemment, faut faire un peu une nuance, les échantillons sont toujours relativement faibles, mais dans toutes les études qui ont examiné cette question, si on voit un des deux jumeaux qui s'annonce comme étant homosexuel ou qui est homosexuel, le deuxième jumeau sera homosexuel dans à peu près 65% des cas. Donc, c'est pas 100% des cas. Non, c'est pas 100%. Si c'était contrôlé d'une façon stricte par les gènes, ce serait 100% des cas puisqu'ils ont les mêmes gènes. Et si on compare deux frères ou deux frères jumeaux, des faux jumeaux, ou deux frères qui sont pas jumeaux du tout, le pourcentage tombe à 30%. Donc, dans les deux cas, il y a un effet, probablement un effet génétique, mais un effet familial aussi. Puis il n'y a pas aussi, oui, parce que si c'était strictement génétique, il y aurait 100% des jumeaux, ce serait pareil. Chez les jumeaux identiques, ce serait 100%. Oui, c'est ça. Puis on pourrait peut-être faire une descendance dans les généalogies aussi. Or, on n'a pas remarqué ce genre de choses jusqu'à présent. Non, en tout cas, c'est pas évident. Même si on fait des analyses sur des grands nombres d'individus, il n'y a rien qui ressort, qui est très, très évident, qui démontrerait qu'il y a un contrôle génétique très fort. Donc, il y a des indices qui suggèrent qu'il y a une composante génétique, mais c'est comme vous le disiez, c'est une prédisposition qui demande certaines conditions environnementales, physiques ou sociales pour se maintenir. Qui peut s'exprimer ou non. Et qu'est-ce qui se passe aussi, parce qu'on entend aussi parler de comportements homosexuels dans les prisons ou dans l'armée? Donc ouais. Là, est-ce que c'est aussi un cas particulier, un environnement social particulier? Oui, c'est ça. Je pense que l'explication la plus plausible, c'est qu'on est dans une situation où les individus sont contraints, sont empêchés d'exprimer leur sexualité, j'allais dire normale, mais mm-hmm. on pourrait définir normale après. Là. C'est un ouais. peu un mot, ouais. un mot glissant. Donc, comme ils sont empêchés d'exprimer leur comportement usuel, sexuel, ben, ils peuvent exprimer des comportements homosexuels tant qu'ils sont contraints dans ces conditions, mm-hmm. soit dans une zone de combat dans l'armée ou dans une prison, ou on pourrait même dire dans les monastères, mm-hmm. Ou en tout cas dans le passé. Mais ces individus, aussitôt qu'ils sortent de ces conditions contraignantes, deviennent mm-hmm. hétérosexuels comme ils l'étaient auparavant. Mm-hmm. D'accord. Et est-ce que donc ce comportement un peu particulier de l'homme, donc des homosexuels qui sont strictement homosexuels, donc ce comportement particulier qu'on ne retrouve pas dans la nature, est-ce que c'est un indice comme quoi, effectivement, on en parlait déjà dans les chroniques précédentes, que l'homme est à l'abri de la sélection naturelle? Oui, absolument. Je pense que c'est tout à fait une hypothèse plausible. On peut faire une comparaison avec un autre comportement qui est absolument incompréhensible en termes de sélection naturelle, qu'on trouve uniquement chez l'humain, c'est la décision de ne pas avoir d'enfant du tout. Mm-hmm, c'est évident que tous les humains, comme tous les autres animaux, toutes les autres espèces sexuées, portent un très grand nombre, comme on disait dans le passé, d'instincts ou de programmes génétiques pour les inciter à se reproduire. Des programmes génétiques qui, dans ce cas-ci, sont très, très forts, très puissants pour nous inciter à, mm-hmm. à procréer. Puis malgré tout, chez l'humain, on est capable de désobéir. C'est vrai. Donc, si on est capable de le faire dans ce cas-ci, ça montre que même si on est porteur de programmes génétiques qui ordonnent la procréation, on est capable de passer outre. De déroger, c'est ça. Donc, voilà. Ah ouais, d'accord. On disait aussi, bon, à propos des indices qui font penser qu'il y a une composante génétique, donc, bon, il y a le cas des jumeaux, mais il doit y avoir d'autres études. Ouais, ben les deux autres catégories d'études qui vont dans le même sens, c'est par exemple l'étude des fratries. On constate avec des études ici de très très grand nombre d'individus qu'un individu, un garçon, un homme qui est précédé dans sa même famille par des frères aînés, mm-hmm. A plus de chances d'être homosexuel qu'autrement. Mm-hmm. Mais évidemment, c'est un effet qui est relativement faible. Alors, par exemple, à l'extrême, un cadet qui est précédé de quatre frères aînés, la probabilité d'être homosexuel passe de 2% à 6%. Mm-hmm. Donc, on voit qu'il y a un effet, il semble y avoir un effet familial, mais là, on peut pas séparer l'effet familial social de l'effet génétique, mais il y a un effet là mm-hmm. qui agit. Et l'autre type d'étude, c'est qu'on constate que dans les familles, en général, dans une famille où il y a plusieurs homosexuels, la fertilité des femmes est accrue. Donc, les femmes, dans une famille où il y a beaucoup de plusieurs homosexuels, les femmes ont tendance à avoir plus d'enfants. Ah. Donc là, on aurait une explication qui serait plausible avec la sélection naturelle, si on veut, encore une fois, en supposant qu'il y a des gènes en dessous de ça. C'est-à-dire que la sélection favoriserait des gènes qui favorisent la fertilité, c'est tout à fait plausible mm-hmm. chez les femmes, et ces gènes auraient comme effet secondaire accidentel involontaire de prédisposer à l'homosexualité. Mm-hmm. Donc dans ce cas-là, les avantages du gène, il faut toujours se mettre à la place du gène, les avantages pour le gène sont plus grands que les inconvénients. Mm-hmm. Grands avantages pour la fertilité des femmes, petit inconvénient mm-hmm. pour l'homosexualité des hommes. Donc, la sélection naturelle conserverait ce gène et favoriserait mm-hmm. ce gène malgré tout. Ah oui, ce serait comme un effet secondaire, mais qui vaut le coup de payer pour ça, sachant que la fertilité de la mère est augmentée. C'est ça. Comme les deux effets sont liés, ouais. ben, on peut pas les séparer. Ouais. Ouais. Et encore une fois, là, on est en train de supposer ouais. qu'il y a des gènes en dessous de ça. Ce qui n'est pas démontré du tout. Mm-hmm. À date, on n'a trouvé aucun gène. Mm-hmm. De l'homosexualité mm-hmm. et aucun gène. Non, mais comme vous le disiez, on n'a pas trouvé non plus les gènes du comportement agressif ou du comportement optimiste. Non, mais il y a probablement des bases biologiques. Mm-hmm. Je veux dire, ce serait un peu excessif de supposer que même dans ces comportements complexes comme l'alcoolisme ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait aucune composante génétique, aucune composante biologique. Mais ces composantes génétiques, environnementales, donc physiques, environnementales, indiquent tout de même que finalement, on ne choisit pas non plus d'être homosexuel. Non, il faut absolument se débarrasser des deux visions extrêmes. Une des visions qui dit que l'homosexualité serait une maladie génétique, mm-hmm. et l'autre qui la position tout à fait extrême qui dirait que c'est uniquement une question de choix personnel. Mm-hmm. C'est ni un ni l'autre. C'est un mélange beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant. Comme tous les caractères complexes, mm-hmm. psychosociaux complexes de l'humanité. Yeah. Alors, je crois qu'on va terminer sur cette conclusion, que c'est effectivement une situation complexe, en évitant les deux catégories, les deux situations extrêmes. Oui, il faut éviter les deux situations extrêmes, et malheureusement, on se retrouve au milieu où c'est très compliqué, mais voilà, c'est la nature des choses. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup, Cyril, pour ce regard, le regard d'un biologiste évolutionniste sur l'évolution, sur l'homosexualité. Donc, je rappelle que Cyril Barrette est professeur émérite en biologie à l'Université Laval. Et maintenant, on va passer à une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, nous parlerons de l'impact des changements climatiques sur les sociétés humaines.